avec... Basique. Oh là là. Mais c'est le même, merde. C'est les mêmes trucs là. Merde, je suis plus en boucle. Oh putain. Je boucle. 2, 3. J'ai calme, mais ça va être très basique hein, comme un drum. Ça veut dire dance. Imagination. Listen to A when I did I and Thank you. Giorgio Moroder. Ça, ça fait un trop bon. On essaye de trouver la musique. Essaye de trouver la musique, hein. Je vais arrêter la batterie, là. La batterie. Attends, télécharger. 13 minutes le morceau.